faut que je tabasse. Un, je fais mes vocalises, le son fracasse la basse. Focalise ton esprit, ça te tracasse. Ma mafia à 10, les convoitises en face. Tous les petits jeunes convoitisent la 8-6. Comme Biggie dit, tu peux râler nos dates. Nous dit Guidi, je fais des dégâts. La bague au doigt, je suis un gars dégourdi. Dis donc, tu sais que déjà, tu gagas devant des bigoudis. Abdo redondant, pas de baggy jean. On biga au bougon, j'ai le béguin pour de rentrer dedans. Lox de vous à la Sangoku. Ega Bigo, ton cop, ça go court. Chez moi, t'as une tox, bois son coca. Pose son sac à dos, ses bretelles sont coca. Ils sont rose, façon saccadée. Ça donne sans coca. Ils sont son cocon, puis elle part sans même un coucou. Aïe. Go money, Awax, Freestyle, FA. Est-ce que tu connais? Encore un camer, putain. C'est Pito Mike. J'marine dans ce truc depuis que j'suis gosse, coco. T'as vu ton boss, t'écho. Auprès des miss, quand j'kick au micro, j'ai un jazz, poteau. Curieux de savoir qui rit de moi quand j'tchatch. Hache les chines des traites, machine à cracher le verbe, c'est pit masher. Deux mots, ma soeur. T'as le jeu le plus bâtard ici quand il se fâche. Grosse tête, gros nez, je sais. Je suis moche, mais quand elle me bipe, c'est pour me piper. Je suis macro, trop d'MC, accro de mes rimes, appelle-moi qui tu veux. J'suis dans le bungalow, la go goûte à mon bangala. Tu bandes à la sonorité de ma voix, je mets James Bond à l'eau. J'rigole, t'as vu, rien de mauvais. Ma théâtre c'est Pit, Crystal, spécial du style. Les caisses fracassent, les Shirley attaquent en douce. La basse pousse le sample, un son simple. Les caisses fracassent, les Shirley attaquent en douce. La basse pousse le sample, un son simple. Les caisses fracassent, les Shirley attaquent en douce. La basse pousse le sample, un son simple. Les caisses fracassent, les Shirley attaquent en douce. La basse pousse le sample, un son simple. Ça me déroute, comment? Un brigadier dans la mafia. Et qui est le baccalauréat, c'est moi le kafira. Écoute ce qu'il dit dans son passage. C'est toujours les mêmes propos puisque les brigands sont passage. J'analyse comme un agrandissement. Et partout ça s'enlise dans les arrondissements. Y'a plus de leçons, y'a plus de pédagogie. Y'a juste des coups de tesson dans l'estomac et des hémorragies. Ouais, pour la brigade d'intervention. L'échantillon de la 4, au grade du 7-5. Quand je suis tressé comme la mafia, il faut que ça pète zinc. J'ai peur au plus puriste, sur le jeu futuriste. Mon flow naturel complexe, même les naturistes. Tout ce que j'aime c'est simple, mais dicté par le BF. Si la 4 brille, si ma plaque brille, c'est pas grâce à l'EDF, non. C'est grâce au corps à 12 têtes, le manpower. Le marché noir, nouvelle génération de black power. On me dit déjà mécontent, les gens savent pas, je suis ravioli. Des raclis en l'eau, le beat plein de raviolis. Rap violent, violeur d'instru vierge. J'élargis les mesures, tu deviens violé. Hey, tu sniffes le cyanure, Serge dealer. Pas besoin de gambir, j'ai des heures quand on a de l'aura. Salangora de ma hug, t'as dans le sang, string angora. Avant pour un slow, langoureuse, c'était la garba au globo. Maintenant c'est à speed, tu perds tes globules. Gobe mon lust fluide comme le banga. Casimir direct, c'est quasiment du globi boulga. Aspic, mafia tressée. DJ FA, son futuriste, tu dis quoi maintenant? C'est qui le prochain? T'as la pressure, vas-y. Les caisses fracassent, les Shirley attaquent en douce. La basse pousse le sample, un son simple. Les caisses fracassent, les Shirley attaquent en douce. La basse pousse le sample, un son simple. Les caisses fracassent, les Shirley attaquent en douce. La basse pousse le sample, un son simple. Les caisses fracassent, les Shirley attaquent en douce. La basse pousse le sample, un son simple. Mon corps d'armée avec moi, vous pour combler mes joies. Le microphone pour arme, sache que personne ne m'arrêtera. Voici de quoi est fait mon composite, un condensé de rimes sensées. Cadence chez la mafia dressée, on cesse les parodies. Son futuriste mène à l'agonie. Projette maudit, électrocelle, toutes les chroniques à mon sujet. Hip-hop terroriste, j'ai assez d'hypérite verbal qui ose me rip. Dans la capitale, l'ennemi capitule, la pilule ne passe plus. Même avec du pili-pili, perdu tel le lilliputien. Dans un monde qui n'est plus le sien, de la concurrence. Quoi, j'en fais la risée, stylo aiguisé. Juste de ma dextérité pour la neutraliser. Sûr que je l'ai bien visé, désormais elle est avisée. S'il faut combat, révise tes alliés. Embuscade codifiée, prête pour la vendetta. Plus un pas, les bras en l'air traqués. Mic en main, j'ai braqué, le hip-hop va trinquer. Épaulé par mon corps d'armée, passe le mic en main à Yannick. Les païens sont en panique. Microphone check, one, two, il marche bien. Je sers du microphone pour sortir de ma vie, tiens. Je veux pas partir en vrille comme tant de mes refs dans le rap. Je dois percer, je suis lassé de ce côté. Léo le soir, gars, je suis pressé, pressé. Des centaines de disques, d'avoir du succès. Voir la vie en rose, me faire de l'ose. De voir autre chose que mon ticard morose. Grâce à ma prose, je swing sur la basse. Pour les MC, hélas. Je sors de la pénombre, à présent je fais surface. Mon but est fixé, mon ascension amorcée. Rien ne pourra freiner l'ascension de mon crew. Mafia tressée. Les caisses fracassent, les Shirley attaquent en douce. La basse pousse le sang, un son simple. Les caisses fracassent, les Shirley attaquent en douce. La basse pousse le sang, un son simple. son sein. Les caisses fracassent, les charlets attaquent, on douce, la basse pousse le sang, un son sein. Les caisses fracassent, les charlets attaquent, on douce, la basse pousse le sang, un son sein. Les caisses fracassent, les charlets attaquent, on douce, la basse pousse le sang, un son sein. Mon hip hop n'a jamais sévi hors de ma galaxie, le 7-7, le Messiti, mon éternel patrie, je corromps sous les halls des battes, les cerveaux du père des gangsters qui préconisent mon hardcore à leurs petits frères. Go, on ne verra jamais faire le clown à la TV pour que mon produit fasse partie des meilleures ventes au top 50. Ce flow prouve que ma fraction est transcendante. Al Primera Mafia 13, c'est Bob Bob et les Wack. Mérine Bécom, le numéro 1 des Wack modernes, qui voit tous les jours s'ajouter sur son compte tout plein de zéro. Facile d'usurper sa réputation d'MC dans un pays où le hardcore est reconnu que dans ses ghettos. Je compte pas prêcher toute ma vie pour les cités de mon secteur et laisser l'industrie du hip-hop sous la main de l'usurpateur. Al Primera, mon hip-hop, Bob Bob, les Wack. Bob Bob, les Wack.